si oublié tout ça nous t'est passé. Mais nous t'es commencé. Chérie, pour qui vous fait ça? Pour qui vous fait comme ça? A vous, madame Sarah, et pas de quoi que t'arrives là. On t'a toujours fait ça. Moi, t'es déjà vrai ça. Et on t'a toujours dit ça. Puisque on fin fait comme ça. Moi, accepte le comme ça. La messe pour pas j'en manquer. Et puis vous sans charité. Mes chances t'es pas payé. T'es toujours rêvé. Ouais, la vie a changé. Puisque c'est sans dévelé. Prière ou exaucé. Moi souhaiter en prospérité. J'en tape fête, j'en tape mené. N'a pire tout simplement m'tourné. Ou repousser m'tant couillou chien. C'est vous même seul qui m'te gagné. Et puis c'est vous qui vous fâchez, en vérité vous enragez.